L'amoureuse de bonne nouvelle n'a pas eu son cheval blanc. Bonne nouvelle pour elle. Je n'ai pas écrit ces mots d'enfant. Bonne nouvelle, les anges n'ont pas brûlé ses ailes. Bonne nouvelle, un certain docteur a trouvé un remède contre le cancer. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, un certain docteur a trouvé un remède contre le cancer. Bonne nouvelle, on voit encore le sourire de cet enfant. Et bonne nouvelle, il ne crèvera pas de paludisme. Et bonne nouvelle, l'industrie pharmaceutique lui a donné son putain de médicament. Bonne nouvelle. Allez santé, buvons ensemble. Bonne nouvelle, tous les politiciens sont humanistes. Bonne nouvelle, tout le monde dit bonjour, merci, au revoir. Bonne nouvelle, un certain docteur a trouvé un remède contre le cancer. Bonne nouvelle, Israël et Palestine ont fait tomber leur foutu mur. Et bonne nouvelle, l'empire du milieu connu une liberté nommée la presse. Bonne nouvelle, il y a plus d'arbres qu'il n'y a d'argent.